avec nous là demain, la grève, la manif? 10h30, Cours Clémenceau. Ouais. Ouais, vous êtes quelques-uns. Ouais, bon bah ça marche. Bah pour l'instant pour ça l'instant, va. On est, ouais, au début, là. Ouais, on est au début, mais bon voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. Oui, oui, oui, les dockers, ouais. Ouais. C'est bloqué. C'est bloqué un peu, ouais, c'est bien. Ouais. Mais c'est passé, ouais, par à même, demain hein, dans la manif. C'est passé quoi par bus? Un chauffeur de bus. Au bout de 5 semaines. Ouais. On le garde. Bonjour. On est en retraite là, on est toujours déterminé à faire plier le gouvernement. On a besoin de monde là dans les rues de Rouen, cet après-midi 17h30 à Saint-Sever, demain matin 10h30 pour Clémenceau. Ok. Pour faire masse. Ouais. Bonjour, pour nos retraites là, on est toujours déterminé à faire plier le gouvernement. Le taxi, il veut pas le tract. Non, les corpos, non, c'est assez corporatiste. Bonjour. C'est connu, quoi. C'est... Bonjour, pour nos retraites, là, on est toujours déterminés. Eh ben, bon courage. Hein. Eh ben, venez avec nous, hein, n'hésitez pas. Bonjour, bonjour, pour les retraites, là, on est toujours déter. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça fait chaud au cœur de voir les gens. Ouais. Sortir un peu de sa... son réseau d'amis, son réseau de collègues, de voir d'autres personnes. Bah, c'est oui, pas mal. Hein. Les gilets jaunes, c'était ça. Hein. Bah largement. Moi, enfin, c'est encore ça. Hein, ouais, ça moi, je suis allé. Moi, j'habite à Saint-Étienne. Je suis allé. Je peux pas dire que j'ai des gilets jaunes du rond-point des Vaches. C'est faux. Ouais. Parce que je suis allé 3-4 fois apporter du bois. Ouais, bon, une fois, j'ai mangé une soupe. Voilà, je me rappelle plus son prénom qui faisait de la cuisine. Michel, non, moi, je vais pas. Là. C'était une dame d'origine maghrébine. Ah, oui, c'est ça, venez nous apporter de la soupe. Ouais, ouais, ouais. Une fois j'avais mangé une soupe, voilà, c'est là. Ouais. Le top de la convivialité et de la fraternité. Mmh. Liberté, égalité, fraternité, c'est les gens qui sont dans le sol bitume qui la font, la fraternité. Ouais. Vous êtes gilet jaune? Ouais. Ouais. Mmh. De Barentin, du rond-point des Vaches? Rond-point des Vaches. Rond-point des Vaches. Ouais. Non, puis moi, le 18 novembre 2018, j'étais là, on faisait un blocage ici à la CARSAT. Puis après, quand on, le soir, comme on n'était pas trop nombreux, il y avait une question de sécurité. Moi, c'est pour ça que je suis allé, c'est comme ça que je suis arrivé au rond-point des Vaches. Après, on s'est rabattu sur le rond-point des Vaches. Donc, voilà. Parce que là, le boulevard industriel, pour expliquer aux gens qui ne sont pas sur Rouen, ça dessert toute la zone industrielle de Rouen et ça va vers l'autoroute, quoi. Ouais, puis c'est le blocage des camions. Hein. De toute façon, là, les poids lourds, c'est un scandale. Hein. Nous, on l'a vu au rond-point des Vaches, entre 4000 et 5000 camions par jour, c'est un scandale. Écologique, c'est un scandale. La plupart, c'est des camions, parce que nous, on discutait avec tous les chauffeurs, même les chauffeurs. On avait une zone qui était avec nous qui parlait russe, donc à discuter avec les chauffeurs de l'Est et tout ça. Donc, et puis là, tous les chauffeurs, ils font l'Espagne, le Portugal, pour aller directement en Angleterre, aux Pays-Bas, tout ça. Donc c'est un scandale, ça devrait être sur des trains, tous ces poids lourds-là, pour traverser la France. Hein. Bon, bah voilà, je vais essayer d'aller prendre un petit café. Ouais.